faut de la crème pour bronzer. Il faut une serviette. Allez, on y va? Allez, va à la plage. Ouais.